Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, on s'intéresse à une démarche clé pour l'avenir du Val d'Amboise, l'élaboration du projet de territoire porté par la communauté de communes. Une feuille de route qui va définir les grandes orientations pour les années à venir avec un objectif clair, construire un cadre de vie équilibré, dynamique et surtout adapté aux besoins des habitants. Ce projet, bien évidemment, il ne se fait pas en vase clos. Une large consultation est en cours avec notamment l'organisation de 3 ateliers participatifs ouverts à toutes et tous. On va en reparler dans un instant. Le premier, il est fixé au mardi 9 avril à la salle Francis Poulenc d'Amboise. Une occasion donc en or pour s'informer, échanger et contribuer directement aux ambitions du territoire. Pour en parler, nous sommes accueillis aujourd'hui par Yves Aguiton, président de la communauté de communes du Val d'Amboise. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu les étapes, évidemment, les enjeux soulevés et la place essentielle des citoyens dans cette réflexion collective. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il est essentiel d'engager cette démarche d'élaboration d'un projet de territoire pour le Val d'Amboise ? Alors oui, c'est important pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il faut qu'on ait une vision assez long terme de là où nous voulons aller pour notre territoire. Assez long terme, c'est 15-20 ans dans notre idée. Vous voyez, par exemple, c'est l'équivalent de 3 mandats. Pourquoi il faut avoir une vision long terme ? Pour 2 raisons principalement. La première, c'est pour pouvoir faire des choix, des priorités. Quelles sont les priorités de notre territoire ? La jeunesse, l'économie, les infrastructures, voilà. Et tout ça, pour toute une série de raisons, c'est des investissements parfois coûteux qu'il faut savoir étaler dans le temps. Et donc, ça suppose qu'on ait une vision long terme. La deuxième raison, c'est aussi qu'il faut que les communes de la communauté de communes du Val d'Amboise, leurs habitants, tous ceux qui travaillent avec, se retrouvent dans la politique qu'on met en œuvre. Il faut que cette politique, elle ait du sens par rapport à ce que nos concitoyens peuvent attendre. Et pour donner du sens, il faut aussi qu'on ait une vision long et moyen terme. On ne peut pas être que dans le court terme. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que dans une institution comme notre communauté de communes, en réalité, on a 3 grands piliers. On a un pilier sur nos compétences. Par exemple, la communauté de communes est compétente sur le développement économique ou sur les crèches, voyez. On a un pilier sur les finances. Donc là, on est en train de réaliser notre plan pluriannuel d'investissement qui, justement, quand on aura fini notre projet de territoire, nous dira comment faire cela. Et puis le troisième pilier, c'est ce projet de territoire, la vision qu'on a, le partage que les maires, les conseillers municipaux ont de ce qu'ils veulent faire de là où on doit aller pour le territoire du Val d'Amboise. Vous évoquiez tout à l'heure hors antenne, quand on a discuté avant cette émission, un principe de tabouret à 3 pieds et dont il faut trouver l'équilibre. C'est vrai que cette image est intéressante. Ce qu'on peut préciser également, c'est que ce travail, il est entièrement facultatif. C'est-à-dire que c'est vraiment une volonté. Il n'y a aucune obligation à le mettre en place. Oui, tout à fait. Dans une collectivité, il y a des obligations. On doit faire son budget, on doit faire toute une série de choses qui relèvent de la loi et du règlement. Le projet de territoire, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la loi et le règlement. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une démarche volontaire de la collectivité, précisément pour se doter de cette vision. Ce qui est important pour notre communauté de communes, c'est de noter aussi que, finalement, elle est très jeune. Le rapprochement, on l'évoquait aussi, des 2 communautés de communes du Val d'Amboise et des Deux Rives, date de 2014. En 2016, un premier projet de territoire avait été fait, qui était fait un peu à chaud de cette nouvelle communauté. Là, on est en 2025, un peu plus de 10 ans après. Bon, notre communauté de communes, elle a grandi, elle a pris une maturité. On a aujourd'hui toute une série de choses qu'on ne faisait pas à l'époque. Et forcément, on a une vision, on doit avoir une vision des choses sur le moyen terme qui est nouvelle. C'est pour ça que c'est bien de le faire maintenant. Alors, il y a une commission ad hoc qui a donc été mise en place. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui elle est composée, cette commission, et quel est son objectif ? Alors, la commission ad hoc qu'on a créée, elle est composée de 10 personnes, 5 élus et 5 socioprofessionnels. Et elle a vocation à être un petit peu la proue du navire. Vous voyez, c'est un groupe qui travaille, qui se réunit 2 fois par mois autour de toute une série de thèmes, d'un diagnostic qu'on fait des sujets importants de notre territoire, l'économie, la culture, le sport, les routes, les transports, la mobilité, etc. Et qui, sur la base de ce premier diagnostic qu'on fait, émet des idées, des propositions, des interpellations. Bon. Et donc, c'est notre premier socle de travail qu'on va pouvoir maintenant soumettre deuxième partie de notre travail, à ce dialogue participatif qu'on veut. Ce qui est important, c'est que cette commission, elle est composée de gens qui ont une bonne connaissance de notre territoire, soit ancienne, vous voyez, l'ancien directeur du château, ou un élu qui est à la fois viticulteur, ou des jeunes agriculteurs, sportifs, voyez, hein. Des sportifs, les représentants du club de rugby, puisque c'est une compétence de la communauté commune. Bon, ils ont chacun une sensibilité, mais leur point commun, c'est un attachement au territoire. Mmh. Et donc, ils nous apportent beaucoup de choses. Et là, maintenant, on commence à avoir une vraie matière première qu'on va pouvoir discuter avec tout le monde. Alors justement, est-ce qu'il y a déjà des premiers axes principaux qui émergent de ces travaux de commission ? Ou c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire ? Oui, alors, on engage le dialogue participatif, là. Je crois que vous l'avez évoqué, notre première réunion le 9 avril, salle Francis Poulain, qui regroupe les conseillers municipaux de 3 ou 4 communes, va commencer à dialoguer, et les habitants qu'on invite, hein. Nous, on invite tous les habitants à notre réunion du 9 avril qui veulent venir sur ce sujet-là. Alors, oui, il y a quelques idées qui émergent, forcément. Premièrement, notre territoire, c'est un territoire qui est assez dynamique économiquement. On est le deuxième pôle industriel du département. On est une grande collectivité touristique, plus d'un million de visiteurs touristiques par an. Bon. Donc, cette idée qu'on doit garder ce dynamisme économique à long moyen terme parce que les entreprises qu'on va aider, qu'on va soutenir, c'est des entreprises qui vont créer des emplois pour nos habitants. Et c'est quand même un peu ce dont on a besoin en premier lieu. Donc, vous voyez, tout ce qui tourne autour du développement économique, c'est important. Mais, tout de suite apparaît l'idée d'avoir un développement économique équilibré. Ni trop, ni trop peu. Le développement touristique qu'on doit faire, est-ce qu'on doit encore accueillir beaucoup plus de touristes ? Ou est-ce qu'on ne doit pas avoir plutôt une politique de qualité plus fine, voyez, et équilibrée en termes de développement durable? Ça, c'est vraiment un sujet qui revient de façon très importante, cette question du développement durable, parce que on est un territoire mi-urbain, mi-rural, et que on sait bien qu'on doit diminuer notre empreinte carbone, on sait bien qu'on doit être très vigilant sur la qualité de nos paysages, etc., et que si on développe demain la boîte ardière, on doit le faire avec une qualité environnementale très forte, parce que c'est aussi aujourd'hui ce qu'attendent les entreprises et les habitants. Alors, vous l'avez dit, ce qui est très important, c'est la consultation des citoyens. De quelle manière vous allez les consulter ? Alors, évidemment, il y a ces 3 ateliers. Je crois qu'on parle aussi d'un questionnaire, il y a un site internet, il y a une newsletter. Je suis en train de répondre à votre place, mais beaucoup d'outils. Voilà. Alors, pourquoi on met en place tous ces outils ? Donc, alors, le site internet, demain.cc-valdamboise.fr. Voilà. Je l'ai dit, ce site, il est dédié exclusivement au projet de territoire. Dedans, il y a un questionnaire. Donc, tout un chacun peut répondre à ce questionnaire. Et ce questionnaire, il n'est pas très compliqué, il ne prend même pas 10 minutes pour le remplir. Et il nous permet à nous de recueillir des idées, des suggestions. Toute personne du Val d'Amboise a parfaitement le droit d'avoir une idée sur l'avenir et sur comment elle voit des choses. Donc pour nous, c'est important. Bon. Deuxièmement, les maires et les conseillers municipaux sont au cœur du dispositif. J'ai rencontré tous les conseillers municipaux, quasiment tous, une petite exception, depuis 3 ou 4 mois. Bon, là, on les réunit à nouveau. Le 9 avril, il y aura les conseillers municipaux de 4 communes. Chargé, Saint-Règle, Lussot, Souvigny et Amboise. Vous voyez ? Voilà. Bon, après, le 29 avril, ça sera d'autres communes. Et le 12 mai, encore d'autres communes. Donc ça, c'est le deuxième pilier. La consultation sur le terrain. Voilà. Troisièmement, effectivement, on fait une newsletter parce que c'est important que tous les gens qui sont intéressés, qui travaillent avec nous, puissent voir là où on en est. Vous m'interrogez sur les quelques grands principes, je vous ai parlé de l'économie, je vais vous parler de la jeunesse par exemple. La jeunesse, c'est un trait très très dominant qui ressort de nos échanges. Hein. On doit travailler pour la jeunesse du Val d'Amboise d'aujourd'hui, puisque c'est dans 15-20 ans. C'est l'avenir. Hein. Voilà, c'est l'avenir, et puis c'est eux, les habitants et ceux qui travaillent dans les entreprises. Donc, on rencontre toute une série d'experts qui peuvent nous apporter une vision complémentaire de ce qu'on a, soit des experts même nationaux parfois, soit des experts locaux qu'on a ici à l'université, ou les organismes consulaires, la chambre de commerce, etc., ou des acteurs économiques, les entreprises par exemple. On s'intéresse beaucoup à ce que nous disent les entreprises. Donc on a effectivement mis en place toute une série de moyens de recueillir pour ce projet de territoire l'avis de tout un chacun. On veut que ça soit très participatif. On souhaite vraiment que, évidemment, j'ai dit les maires et les conseillers municipaux, mais toutes les forces vives de notre territoire qui ont quelque chose à dire puissent le dire. C'est pour ça qu'on a multiplié tous les moyens, y compris le fait de parler avec vous maintenant. Est-ce qu'il y aura un croisement avec le questionnaire actuellement, qui est un travail aussi engagé par la CCBA autour de la biodiversité, sur ces questions environnementales, justement ? Alors, oui, évidemment. La biodiversité, il se trouve que c'est un travail que cette communauté de communes, depuis d'ailleurs pas mal d'années, fait très très bien. On a été même reconnu au niveau national comme étant une référence en la matière. Et donc, là maintenant, sur la biodiversité, on a fait la photographie. Maintenant, on passe au plan d'action. C'est devenu une donnée maintenant pour le futur. Quand on parle projet de territoire du Val d'Ambroise, on sait d'ores et déjà qu'on sera un territoire qui se préoccupe de façon très fine de sa biodiversité. Alors jusqu'où on doit aller, etc., ça, on peut en discuter ensemble. Vous voyez, c'est là aussi où les propositions des uns et des autres peuvent être très utiles. Donc la Loire, c'est un sujet majeur du Val d'Amboise. Donc les coteaux de la Loire, les îles qui sont sur la Loire, la faune et la flore de notre... Comment fait-on pour que dans 15-20 ans, on ait préservé nos espèces sans nuire au développement qu'on essaye d'avoir? C'est un véritable défi que ce développement et de préservation de la nature et de la biodiversité. Oui, c'est un enjeu très important du projet de territoire. Là encore, il faut évidemment trouver l'équilibre. Alors, le premier atelier, il aura lieu, on l'a dit, le mardi 9 avril à la salle Francis Poulenc d'Amboise. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut venir de manière... On passe par là, on s'arrête. Alors, il aura lieu à 18h30. À 18h30. Voilà, jusqu'à peu près 21h. Bon, oui, on peut se préinscrire sur le site internet dont j'ai parlé, demain.cc-valdamboise.fr, on peut se préinscrire. Alors, l'intérêt de se préinscrire, d'abord pour nous, c'est aussi de quantifier combien on va avoir de gens. Bon, mais ça n'est pas une obligation de se préinscrire. Quiconque voudra venir à 18h30 sera le bienvenu. Voilà. Alors, ça va se dérouler comment ? Support visuel ? Comment ça se passe ? Ah, vous voulez tout savoir, hein ? Bon, alors... Je vous tiens, alors j'en profite. Bon, non, mais il n'y a pas de secret. Donc, oui, effectivement, on va commencer à restituer ce travail qu'on a fait, ce premier travail qu'on a fait avec la commission ad hoc, avec nos 10 partenaires. Et puis après, on va organiser le travail, vous voyez ? On va déterminer les 3-4 sujets sur lesquels on va probablement faire des petits ateliers. Si on est trop nombreux, le mieux, c'est qu'on prend un thème, on travaille ensemble. Voilà. On a quelqu'un qui nous aide à faire ça. On a pris un animateur de réunion de travail, dont c'est le métier, qui fait ça très, très bien, qui nous accompagne déjà depuis 3 mois. Donc, voilà. Donc, en fait, on va travailler. Hein. Les gens qui vont venir là, on va travailler. Mais on va travailler pour l'avenir du territoire. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, ce projet de territoire, c'est une occasion unique, vous l'aurez compris, pour vous tous, habitants, de participer activement à l'avenir du Val d'Amboise. La consultation est ouverte et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit lors des ateliers participatifs, en répondant aussi aux enquêtes ou en échangeant avec les élus. Le premier atelier aura lieu mardi 9 avril à 18h30 à la salle Francis Poulenc d'Amboise et vous êtes toutes et tous invités à y prendre part. C'est le moment de vous exprimer pour construire ensemble un avenir sur le territoire qui vous ressemble. Eh bien, un grand merci Yves Guiton de nous avoir accueillis aujourd'hui dans les locaux de la CC et pour votre éclairage. Merci beaucoup. Et merci pour votre écoute. C'est la fin de ce mag, à très bientôt sur Radioactive.